s'adresse à l'ami. Mais il est parti, un sens à la vie. Il n'est plus en vie, il m'a tout donné. J'étais passé, sans me déranger. Pas de cœur, pas de cœur, pas de cœur.